cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Dans le dars précédent, on a lu la première partie du huitième exemple. Ma yata'allaq bi ibahat at-tayyibat min al-mata'im wal-masharib wal-malabis. Et taqaddam ma'ana anna Allah subhanahu wa ta'ala, il a autorisé pour ses ibad at-tayyibat et il leur a interdit le khaba'ith. Pourquoi? Li'anna al-khaba'ith fiha darar wa mafasid. Que ce soit le riba comme taqaddam, que ce soit le khamr, que ce soit le maïsir, les jeux de hasard, tout ça, ça fait du mal au abd. Cheikh Sa'd a cité cet exemple pour te montrer que le din l'islam, c'est un din de rahma et de adl. C'est un din azim. C'est pour le bien de cet être humain qui se soumet à Allah Jalla wa Ala. Fahdhar, akhi al-karim, min muharabati al-kuffar li hadha ad-din. Al-kuffar, ils ne te citeront jamais hadha. Et c'est bien fait. Qui sont reconnus par tous. Lakin, les shiddat harbihim, ils essayent de mettre des choubah aux musulmans. Citer des points négatifs, ça peut être des mensonges, ça peut être des déformations, ça peut être du haq, lakin hum, ils le prennent comme un char, alors que fihi, c'est un khayr azim. Al-muhim, fais attention de ne pas penser que le kafri veut ton bien. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a créé, qui t'a donné, qui t'a guidé, et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le bien de l'ibad. Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste le dhulm. Wa harrama dhulm ala nafsihi jalla wa ala. Ça prend ton din de ses sources. Prend ton din min kalami ahli l'ilm wal fadl. Amma vouloir comprendre notre din avec la compréhension des ennemis du din, ça fait pas partie de notre din et ça fait pas partie de la raison. Al-aql salim. Comment une personne qui déteste une chose et qui n'applique pas cette chose, elle va te démontrer cette chose. L'importance d'étudier ce genre de rasail fi bayan mahasin hada ad-din, surtout à notre époque. Yana al-an kama ta'lamoun, ya un harb kabir contre l'islam et contre le musulman. Et les musulmans, ils se font du mal pas à cause directement du kafir. Le kafir, c'est un daif. Le kafir, il est makhzoul. Ce qui fait le plus de mal au musulman, c'est lui-même. Son ignorance, ses faiblesses, ses passions et ses ennemis. Donc, on n'a pas le droit de se faire du mal avec nos propres mains. Là, ils veulent notre mal. Fanahnu, on connaît le haq. Et on sait que si on s'accroche au haq, ils ne pourront rien faire. Abadan. Lianahum, c'est de du'afa. Al-an, ils ont pris le dessus dans certains domaines et dans certains endroits. C'est pas grâce à eux, grâce à leur force, à leur intelligence. Abadan. C'est à cause de la faiblesse des autres. Faqat. Donc, faire des efforts dans notre din, ta'liman wa ta'alluman wa dirasatan wa da'watan, on fait des efforts, que ce soit fi l'ilm, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit fi da'wa, et on patiente, et incha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yansur al-mu'minin. In tansurullah, yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bihada shart, tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala il te secoue, il t'élève, ansur din Allah, fais des efforts. Fi dinillahi azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala y t'élèvera jalla wa ala. Nakmil hadha al-mithal al-thamin. On finit le huitième exemple. Qala al-shaykh Sa'di wa kadhalika ma abahahu min al-ankiha wa anna lil'abd an yankih ma taba lahu min al-nisa mathna wa thulatha wa ruba' lima fi dhalik min maslahati al-tarafayn wa daf'a dharar al-janibayn. Parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a autorisé, al-ankiha, le mariage. Li'anna Allah azza wa jalla, il a créé l'homme et la femme, et l'homme il est attiré par la femme et la femme elle est attirée par l'homme. Donc ce besoin qui est naturel, Allah subhanahu wa ta'ala il t'a autorisé un moyen de subvenir à ces besoins que tu as avec le mariage. L'homme, il a besoin de la femme dans plusieurs domaines. Et la femme, elle a besoin de l'homme dans plusieurs domaines. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le mariage. لأن celui أو الله سبحانه وتعالى قصد إلى لجفر المريم لماذا لأن celui qui délaisse هذا il peut tomber dans le fitna et il peut tomber dans le haram. Cette chose que tu peux faire en étant marié avec ta femme, il fera la même chose dans le haram. Et celui qui est marié, le halal, il est récompensé hatta quand il a des rapports avec sa femme, comme a fil hadith. Et celui qui fait la même chose, lakin, il n'est pas marié, il a des dhunoub et des sayyat, et c'est un péché grave, un zina. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a autorisé. C'est pour ton bien. Bel, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a autorisé, tu peux te marier avec une femme, ou avec deux, ou avec trois, ou avec quatre. Et en même temps, la polygamie, at-ta'addud, قال عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous a légiféré on peut se marier avec deux, trois ou quatre. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. Si tu as peur de ne pas être juste, ou tu sais que tu n'as pas la capacité pour être juste, si tu dépasses une, ou tu dépasses deux, ou tu dépasses trois, ففي هذا الحال si tu n'arrives pas, tu te maries avec une et tu restes avec une. قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Donc c'est ça notre dit. Et tu trouveras une des choses que les kuffars ils harbent le plus, c'est ça. Ils harbent beaucoup le hijab et ils harbent wa yubghidhuna مسألة التعدد. Alors que le mujrimoun الضلال الكفرة ربما il est marié مع واحدة et il la trompe, il fait zina et il fait des masaib et pour lui il est libre et il le fait pour lui, il connaît pas halal ou haram, pour lui c'est comme un animal wal'iyadu billah. Et si un musulman il fait cette chose et il trompe pas la première, il y en a la différence, il y en a التعدد, tu te maries avec deux, avec trois ou avec quatre, ça veut pas dire que les autres elles sont d'accord, lakin tu ne les trompes pas. L'imad ali anna, c'est Allah qui t'a autorisé. Et tu ne te caches pas. Et c'est légiféré avec un contrat de mariage. Et alhamdulillah, tout est clair. Et à chacune, tu donnes le haq. Enfin, parmi les huquq, c'est que chacune, elles ont les mêmes nuits. Une nuit chez la première, une nuit chez la deuxième, une nuit chez la troisième, une nuit chez la quatrième. Et c'est clair, alhamdulillah. Et là, chaque année, la femme, aslan, elle a de la ghira, elle a de la jalousie. Il y en a... Surtout la première, elle va partager son mari, il était toujours avec elle. Thumma s'il y a une deuxième, enfin, la moitié du temps, il sera partagé. Voilà, chaque de ce côté-là, et c'est naturel, elle aura de la ghira, de la jalousie. Lakin détester هذا الحكم, c'est حكم الله عز وجل, هذا c'est haram, بل c'est من نواقض الإسلام, كما يذكر أهل العلم, Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, et autres. Pourquoi? Parce que c'est un hukm d'Allah Azza wa Jalla. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَ. Donc on n'a pas le droit de détester هذا. Celui qui déteste مَا يَتَعَلَّقْ بِالتَّعَدُّدْ, c'est il déteste ce verset. Et qui c'est qui a révélé ce verset au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est Allah Azza wa Jalla. Et Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab ذكر في نواقض الإسلام, le cours qu'on fait avec nos frères arabophones, et تقدم معنا مع إخواننا كثيرا أنه إلى ستة من نواقض الإسلام أنه من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولو عمل به. Il sort de l'islam même s'il fait cette chose, s'il déteste une chose qui fait partie de la religion d'Allah. لأن ça implique des choses graves. Celui qui déteste la polygamie, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé ou il a légiféré une chose autorisée et lui-même il la déteste et il n'est pas d'accord. كذلك, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a appliqué cette chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait plusieurs femmes. As-sahaba ils ont appliqué. Enfin, pourquoi détester? Ça serait un mal, Allah azza wa jalla ne l'aurait pas légiféré. Ça serait un mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne l'aurait pas fait. Si tu es d'accord avec nous, tu dis c'est un bien. Enfin, pourquoi le détester? Un mal, la femme, et on précise, la femme qui est mariée et son mari se marie avec une deuxième, et dans son cœur, elle ressent de la tristesse, de la jalousie. Ah là, c'est normal. Lakin, sans détester le hukm. Bel tasbir, et elle fait du'a, et elle doit savoir les bienfaits. Léana, ce qui nous fait du mal, c'est l'égoïsme. On va citer Kalam Al-Allam Al-Imam Al-Shanqiti dans son tafsir pour te montrer qu'il y a un khair azim. Il ne faut pas qu'on pense qu'à nous. Surtout les femmes dans ce domaine. On les conseille, il ne faut pas qu'elles soient égoïstes. Il y en a combien de femmes, si la polygamie n'est pas acceptée, ces femmes elles restent seules. Il y en a les femmes, elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Donc, l'insan yastaslim lillahi jalla wa ala. Amma le kafir, fala ta'tar bih. Il trompe sa femme. Et il fait du shor et du fasad. Et il fait du mal kadhalik à la deuxième. Et cette femme avec qui, wal'iyadu billah, il a des relations, il trompe tout le monde. Thumma, il prétend que la polygamie, c'est du shor. Qadiyakul qa'il, mais c'est pas tous les kuffars qui font ça. Nahnu, on parle de ceux qui font ça. Et ceux qui font pas ça, fala yajouz lahum, qui détestent hukm Allah. La yajouz lahum, c'est un bachar, c'est un makhlouk. Si lui, et même le musulman, il veut pas aller, là c'est pas obligatoire d'appliquer hada. Celui qui veut pas, il se contente de une. Alhamdulillah, prends soin de ta femme. Amma, détester le hukm d'Allah Azza wa Jal, fahada la. Et certains kuffars, par rapport à l'adultère, zina, ils sont ouverts du temps. Ils sont libres. T'as le droit, ou pour eux c'est un mal, mais c'est pas grand chose, etc. Lakin, si tu lui parles de polygamie, qamat al-qiyama. Fais le test, parle de adultère et parle de polygamie. Il détestera la polygamie akthar. Alors que la polygamie c'est min hukmillah. Et l'adultère c'est min khutwat al-shaytan. Ça te montre que leur cœur il est malade. Fait, nahnu, on est des muslimoun, la nartar biha oula. Nahnu, on déteste al-zina. C'est du char. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit. Et on respecte la polygamie et hadal hukm. Si on peut, alhamdulillah. Et si on ne peut pas, wahid, il n'a pas envie, ça lui suffit, wahid. Alhamdulillah. Fais attention de ne pas perdre ton din par rapport à ces masaïl. Ça va très vite. Surtout avec les médias, avec les débats que certains ils ont. يتكلمون في هذا وفي الحجاب et autres, et tu trouves des musulmans à cause de leur ignorance, Obama ils écoutent et après il a des doutes. Ah oui, penche plus vers قول من يقول أنه c'est de l'injustice. Ils sont injustes envers la première. Pourquoi tu penses pas à toutes les femmes qui ont besoin de mariage? Pourquoi tu penses pas à cet homme? Obama, une ça lui suffit pas. Elle tombe malade, elle tombe enceinte. Elle a des problèmes de santé et il a besoin. Pourquoi vous ne pensez pas? Pourquoi vous regardez que d'un côté? Pourquoi cette femme que vous prétendez, elle subit une injustice? Pourquoi vous-même vous lui faites des injustices? Vous lui interdisez le hijab, vous lui interdisez tant de choses. Vous avez remarqué que le musulman, Rome, ils disent que si l'homme il se marie avec une deuxième, ils sont injustes envers cette musulman. Ils prétendent hakad al-kuffar. Cette musulman, si elle est mariée, ils la combattent. Ils combattent ses enfants, ils combattent le hijab. Fala tagtarru bihim. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné un haqq, et il a donné un haqq à la deuxième, à la troisième, et à la quatrième, s'il se marie avec quatre, et Allah subhanahu wa ta'ala, a'lam. Hada, c'est ça, qui veut nous montrer Cheikh Sa'di. Et il y a un bien énorme, qu'on va citer, al-an, min kalam al-imam al-shanqiti, rahmatullah alayhi. On finit, awalan, le kalam de Cheikh Sa'di, thumma naqra, ma fi adwa' al-bayan. Qala, rahimahullah, ولم يبح للعبد الجمع بين اكثر من اربع حرائر اي نسوه دي فام كي سون ليبر لما يترتب على ذلك من الظلم وترك العدل لان لا باز سي كو لوم اي سا ديبون دي كا لكن سا سان حكم عام سي بور سا كو الله عز وجل افان دو فيرسي قال فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده tu trouveras des hommes qui pourront être justes avec deux s'il dépasse deux il arrivera plus. Imma il a pas assez d'argent, imma il a pas assez de patience. Hada, deux, c'est le maximum pour lui. S'il peut deux, alhamdoulilah. Tu trouveras certains, c'est que une. Il peut pas deux. Tu trouveras certains, trois. Il peut trois, il peut pas quatre. Et tu trouveras certains, quatre. Il peut. Financièrement, il est à l'aise. Et alhamdoulilah, il patiente. Et il peut quatre. Au-dessus de quatre, là. La base, c'est ça. C'est que l'homme, au-dessus de quatre, il pourra plus. Ça sera trop. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré jusqu'à 4. Vu que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est ma'soum, et il est appuyé par le wahi, il avait le droit à beaucoup plus que 4. Autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, maximum, c'est 4. Amma, s'il dépasse 4, il n'arrivera plus à être juste et il se fera du mal à lui-même et à ses femmes. قال مع أنه حثه عند خوف الظلم وعدم القدرة على إقامة حدود الله في الزوجية على الاقتصار على واحدة حرصا على نيل هذا المقصود. نعم. Si il a peur du zulm et il a pas la capacité, il rajoute pas, il se marie pas avec plus d'une femme. لأنه il pourra pas. Ça te montre أن هذا الدين c'est pour notre bien. Si t'es capable, tu fais. Si t'es pas capable, tu n'as pas le droit de te marier avec plus. Il y en a, tu n'as pas le droit d'être injuste. Donc ça te montre que la polygamie en elle-même, ce n'est pas une injustice. Pourquoi ? Et si certains, ça les pousse à être injustes, ce n'est pas permis pour eux. قال وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات. أما مسألة الطلاق هذا بعد. نقرأ أولا ما يتعلق بالتعدد. الإمام الشنقيطي رحمه الله dans son تفسير الضواء والبيان c'est un تفسير مهم. Il explique رحمة الله عليه القرآن بالقرآن في إيضاح القرآن بالقرآن. C'est un تفسير il explique les versets avec des autres versets. تفسير القرآن بالقرآن. Et c'est un كتاب il est مهم pour طلبة العلم. Et في سورة الإسراء il appelle aussi سورة بني إسرائيل. عند قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. C'est une آية عظيمة. Et ce Coran guide vers les choses qui sont meilleures, les choses les plus nobles. Et عند هذه الآية الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه il cite plusieurs exemples. أن هذا القرآن il te montre la voie la plus sûre, la plus correcte. Et il te cite par exemple la polygamie. لأن الله عز وجل il l'a légiféré, il l'a autorisé في القرآن. Ça te montre que c'est une voie qui est sûre, qui est correcte. يهدي للتي هي أقوم. Bien sûr avec certaines conditions. أي d'être juste. يقول رحمه الله ومن هدي القرآن للتي هي أقوم إباحته تعدد الزوجات إلى أربع. Parmi ces choses que le Coran nous a démontré et c'est haq et c'est du khayr, il y a un bien énorme, la polygamie. Maximum se marier avec 4 femmes. وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن لزمه الاقتصار على واحدة. S'il a peur de ne pas être juste, donc il n'a pas le droit de se marier avec plus d'une femme. S'il est marié avec 2 et il est juste, lakin rajouter une 3e, il sait qu'il n'arrivera pas à être juste, il n'a pas le droit de rajouter. هذا مراد أو فهم الآية. لزمه الاقتصار على واحدة أو ملك يمينه كما قال تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. تقدمت ونسيت لفرس. ولا شك أن الطريقة التي هي أقوم الطرق وأعدلها هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء. Il te parle même pas de al-muslimoun là, faqat. Il te parle de l'uqala, ceux qui ont une raison saine. Ils comprendront les bienfaits et le besoin de la polygamie. Et il va te citer plusieurs points. Qala minha, et parmi ces choses qui montrent que la polygamie c'est quelque chose de, ou qu'il y a des bienfaits, c'est un bien, fil haqiqa. Qala wa minha, anna al-mar'a al-wahida tahidhu wa tamrad. Et les hommes mariés, يعرفون هذا أن المرأة تحيض وتمرض على ses règles, ses menstrues, elle tombe malade. قال وتنفس إلى غير ذلك كذلك النفاس. Et après avoir accouché, il y a une longue période de 40 jours en général où l'homme ne peut pas avoir de rapport avec cette femme. من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية. Donc ces choses, ou à cause de ces choses, c'est des choses naturelles, lakin à cause de ces choses, l'homme, il ne peut plus faire ou avoir des rapports avec sa femme alors qu'il en a besoin. Surtout dans un endroit où il y a des fitnes, surtout à certaines périodes, certains endroits, certains moments, l'homme il a plus de besoins, et dans ce cas, si sa femme elle peut pas, فربما ça lui fait un mal à lui. أو ça le pousse à un mal. فمن حكمة الله عز وجل قال بأخص لوازم الزوجية والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة. كذلك cet homme il veut appliquer la parole du prophète صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم il nous a démontré que l'homme il doit faire beaucoup d'enfants. La communauté du prophète صلى الله عليه وسلم ça sera la plus nombreuse يوم القيامة. فهذا سمقصد شرعي. Et c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui nous le démontre. Donc, qala, falaw hubisa alayha fi ahwal a'dhariha la 'utilat manafi'uhu batilan fi ghayri dhanb. Donc si il a la capacité, il a l'envie et il est juste, c'est un homme pur walillahi alhamd. Pourquoi il n'aurait pas le droit de se marier avec une deuxième, alors que Allah subhanahu wa ta'ala il l'autorise et il a la capacité. Enfin, pourquoi? C'est ça le dhulm. Pourquoi les gens ne regardent pas cette injustice? Ils regardent que le côté qu'ils veulent. C'est ça le hawa. Celui qui est sincère et qui est objectif, quand il étudie une chose, il regarde tous les niveaux, tous les points. Il ne regarde pas qu'un côté, ce qui l'intéresse. Maintenant, les féministes, ce qu'ils appellent les féministes, qui détestent hada. هذه الشعيرة هذه العبادة ils vont regarder que le côté de la femme, c'est une injustice, etc. Pourquoi vous ne regardez pas le côté de l'homme? أما المسلم الصالح il regarde les deux. La femme elle a des حقوق, il ne doit pas être injuste envers elle, et l'homme il a des besoins. Le seul moyen pour rassembler les deux, التعدد, pour celui bien sûr qui a besoin. Ça c'est le premier point. Donc l'homme il a des besoins, et pour subvenir à ses besoins, le moyen c'est التعدد. Deuxième point, منها أن المرأة أو قال ومنها أن الله أجر العادة بأن الرجال أقل عددا من النساء في أقطار الدنيا وأكثر تعرضا لأسباب الموت منها في جميع ميادين الحياة. Deuxième point, أن les hommes ils sont moins nombreux que les femmes, et les hommes à la base, ils sont moins nombreux que les femmes. Rajoute, les hommes, ils ont plus, ils sont exposés plus à la mort que les femmes. Que ça soit en période de guerre, que ça soit le travail. Beaucoup de causes, c'est connu que les hommes, ils meurent plus que les femmes. Donc les femmes, à la base, elles sont plus nombreuses. Et les hommes, ils ont une espérance de vie, elle est moindre, et ils sont exposés à la mort plus. Le résultat, c'est que les femmes, elles sont plus nombreuses que les hommes. Donc, si on dit que l'homme, il n'a pas le droit de se marier avec plus d'une femme, ça veut dire que si chaque homme, il se marie avec une femme, il restera des femmes sans mariage. Pourquoi être injuste envers ces femmes? On demande à une femme qui n'arrive pas à se marier pour une raison quelconque, et elle voudrait se marier pour être préservée, etc. Est-ce que ça l'intéresserait ou ça lui faciliterait de se marier même si elle est deuxième? Si elle dit oui, pourquoi interdire cette chose ou ne pas la faire? Ça serait une injustice envers elle. Donc il faut regarder tout le monde, il ne faut pas regarder que soi-même. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'égoïsme. C'est min hadha al-bab. قال فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء. الضخم en arabe c'est quelque chose d'énorme. Et beaucoup, beaucoup de femmes, elle resterait sans mariage. Mahrouman min al-zawaj, fayattarrouna ila rukoub al-fahisha. Et ta'lamoun anna al-mar'a, elle a un besoin. Comme l'homme, il a des besoins. Et cette femme arrive à un certain âge, si elle ne se marie pas, elle peut tomber fi shar. Elle peut tomber fi al-fitna. Pourquoi laisser ces femmes tomber dans le fitna? Alors que certains, ils ont les capacités financières. Walillahi alhamd, ils ont les capacités d'avoir plusieurs maisons. Il n'y a pas d'injustice. Et il patiente. Enfin, pourquoi? Pourquoi ne pas appliquer هذه الشعيرة et alhamdulillah ne pas être injuste envers ces femmes? فيضطرون إلى ركوب الفاحشة فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'endroits à notre époque. Ces hommes et ces femmes, c'est devenu comme des animaux, Annahum, ils ont commencé par combattre la polygamie. Certains, vous avez remarqué que même le mariage, ils ne veulent plus se marier. Annahum, ils veulent être libres, ils veulent faire le fahisha comme ils veulent. Ils ont suivi khutwat al-shaytan. Shaytan, il va commencer par la polygamie et après le mariage. Pourquoi? Que pour les égarer. Et tomber dans le ma'asi, tomber dans le shirk et zina, ça va impliquer beaucoup de choses. Min al-fasad wal-ifsad. Qala wal-inhitat ila darajat al-baha'im fi 'adam as-siyana. 'Adam as-siyana, c'est ne pas se préserver. Wal-muhafaza 'ala ash-sharaf wal-muru'a wal-akhlaq. Fa-subhana al-hakim al-khabir. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Il a cité le verset de la sourate Hud. Donc, c'est un bien. C'est un khayr azim. C'est un khayr azim pour les hommes et pour les femmes. ومنها, parmi les bienfaits كذلك, أن الإناث كلهن مستعدات للزواج. وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزوج أو الزواج لفقرهم. Ça c'est important. Les femmes, elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Les hommes, ils sont beaucoup plus exposés à la mort que les femmes. Donc, on en conclut que les femmes, elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Ces femmes, qui sont beaucoup plus nombreuses, elles peuvent toutes se marier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, si elle veut se marier, elle n'a pas le, si on peut appeler ça, une condition de capacité à un niveau argent, etc. Léana, c'est l'homme qui s'occupe d'elle, dans notre dîn, l'islam. Amma l'homme, déjà les hommes qui sont moins nombreux, et même ce petit nombre par rapport aux femmes, il ne peut pas se marier que s'il a la capacité. Donc, beaucoup d'hommes, ils n'ont pas la capacité, donc ils ne se marieront pas. Donc, ça fera encore un écart plus grand entre les femmes et les hommes. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن مسعود من استطاع منكم الباءة فليتزوج. Celui qui peut, qui a la capacité, qu'il se marie. Ça veut dire que celui qui peut pas, il peut pas. Certains hommes, ils veulent se marier et il n'a pas la capacité. Il n'a pas de maison, il n'a pas de travail, il peut pas subvenir aux besoins d'une femme. فلا بد يصبر. Le Nabi صلى الله عليه وسلم, il a donné la solution. عليكم بالصوم أي يكثر من الصيام. Ça va lui permettre de patienter. Al-Muhim, dans ce cas-là, on va se retrouver avec des femmes beaucoup plus nombreuses que les hommes. قَالَ فَالْمُسْتَعِدُّونَ لِلزَّوَاجِ مِنَ الرِّجَالِ أَقَلْ مِنَ الْمُسْتَعِدَّاتِ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا عَائِقَ لَهَا. La femme n'a pas d'obstacle à ce niveau. L'homme, il la demande en mariage, il se marie, c'est sa femme, c'est à lui de trouver la maison, c'est à lui de subvenir à ses besoins. Elle reste filbée. Et elle s'occupe de son mari et de ses enfants. Donc, tu trouveras la grande majorité des femmes, elles n'ont aucun problème. Contrairement à l'homme, qui il a des responsabilités, etc. Niveau financier, niveau maison. فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء لأن المرأة لا عائق لها والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضا بعدم وجود أزواج. Donc si on ferme les portes à la polygamie, beaucoup de femmes, elles se retrouveront sans mari. Qu'est-ce qu'elles vont faire ces femmes? Elles vont attendre jusqu'à quand? À cause de ce fikr, de cette pensée, elle a la polygamie, c'est un mal. Beaucoup de gens, ils l'ont délaissé. Tu trouves beaucoup de femmes, elles ont atteint un âge très avancé et elles ne sont pas mariées. Qui c'est qui va s'occuper de cette femme? Elle est chez ses parents. Si ses parents, ils meurent. Tu trouves beaucoup de femmes, après une certaine période, elles se font du mal. Et elles font du mal aux autres. La femme, elle a besoin de quelqu'un. Elle a besoin de quelqu'un, que ce soit au niveau compagnie, que ce soit pour l'aider, que ce soit fin nafaqa, que ce soit pour les besoins qu'elle a. Ça te montre, à ceux qui combattent la polygamie, fil haqiqa, il fait du mal aux femmes, plus qu'aux hommes. Alors qu'ils prétendent que c'est pour la femme. C'est pas pour la femme, c'est pour par rapport au hiqd qui a fait le qalb. Et les annahum, ils savent très bien que polygamie égale islam. C'est pour ça. Amma ta'lamoun anna eux-mêmes, à l'époque, ils étaient polygames. Al-Yahoud, al-Nasara. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certains groupes encore, ils sont polygames. Lakin, vu que l'islam, c'est la religion qui montre clairement que c'est un bien, etc., ils ont combattu la polygamie comme ils ont combattu al-hijab. Le rappel à la liberté, etc., c'est que du kadib. فقال فيكون ذلك سببا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة والانحطاط الخلقي وضياع القيم الإنسانية كما هو واضح فإن خاف الرجل أن لا يعدل بينهم وجب عليه الاقتصار على واحدة. Donc ça va être la cause de beaucoup de mal. Zina va se propager. Les mauvais comportements, الشر, الفساد, tout ça pourquoi? Parce que ces femmes elles n'ont pas de mari. نعم. Un mari, un mujtama ou que le mariage n'est pas propagé ou que les femmes elles ne sont pas mariées, c'est un mujtama ou qu'il y aura du shur et du fasad. Sunnatullah fi khalqihi, la femme elle a besoin de l'homme et l'homme il a besoin de la femme. Qala, on résume, il y en a le kalam il est tawil. Al khulasa qala fa al Qur'an abaha ta'addudi ou abaha ta'adduda az-zawjat لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج. Donc la polygamie avant tout c'est pour la femme. Il y en a beaucoup de femmes, ça leur permettra de se marier. Combien de femmes imma elles sont pas mariées à cause de imma elles sont pas mariées à cause de rubama un manque de beauté, personne les demande en mariage ou elles ont atteint un certain âge, elles pouvaient pas se marier avant, muhim une raison. Combien de femmes ça arrangerait l'homme et cette femme qu'elle se marie en tant que deuxième, ou une femme qui a déjà des enfants, son mari est mort dans un accident ou autre, donc cette femme qui a déjà été mariée peut-être qu'elle aura du mal à se remarier avec un homme qui n'est pas marié, mais avec un homme qui est déjà marié ça faciliterait. Combien de veuves, combien de femmes divorcées elles n'arrivent plus à se marier. Donc tu as plusieurs cas, des femmes qui ont atteint un certain âge, des femmes, personne les demande en mariage, pour certaines raisons qui sont connues. Des femmes qui sont divorcées, des femmes veuves. Donc tout ça, la polygamie, ça faciliterait. Ça faciliterait à ces femmes. Lakin, al-insan, la femme, elle ne doit pas être égoïste, penser qu'à elle. Tout ça, bien sûr, avec al-adl. Mais celui qui sent qu'il ne peut pas être juste, fala yaqdum ala shay, il ne pourra pas assumer. قال ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة. كذلك ça permettra à l'homme qui a des besoins que si sa femme elle est malade, elle est enceinte, elle est fatiguée et lui il a des envies, ça lui permettra de faire هذه الأشياء في الحلال avec une deuxième femme dans le halal sans craindre والعياذ بالله de s'égarer et de tomber dans le haram. قال ولمصلحة الأمة. Donc c'est un bienfait et celle qui profite le plus c'est la femme. كذلك est un profit pour l'homme. On l'a cité. Troisièmement قال ولمصلحة الأمة. كذلك est un profit pour la أمة. ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا. Et ça te montre, tu comprendras pourquoi Al-Kuffar ils combattent la polygamie et كذلك ils ont deux moyens pour combattre ce point. أولاً ce point l'imam Shanqiti te montre elle n'a plus la umma, elle est grande comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a conseillé. Plus ça sera une umma forte, surtout si elle est unie à la tawhid ou l'ilm. Al-Kuffar, ils ont deux moyens de combattre hada, et d'avoir des enfants ou de faire beaucoup d'enfants. En combattant la polygamie, premièrement, c'est le point qu'on vient de citer. Deuxièmement, en propageant les moyens de contraception. Et on avait expliqué hada dans une kalima. On avait fait un dars sur la contraception, les méfaits. Anahum, ils combattent l'islam avec ces deux points. Pourquoi les anahum? Ils se marient moins et ils font beaucoup moins d'enfants et ils savent très bien que les musulmans ils se marient beaucoup plus et ils font beaucoup plus d'enfants. Donc niveau nombre, ils savent très bien qu'avec les années, l'umma islamie elle va grandir. Et surtout si c'est une umma où l'ilm est propagé, ça sera une umma forte. Et ils ne veulent pas ça. Donc en tant que musulman, fais attention de ne pas combattre l'islam avec des propos, des idées que tu ne comprends pas. قال الشنقيطي رحمه الله فهو تشريع حكيم فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. La polygamie, c'est un jugement de Allah subhanahu wa ta'ala, une chose que Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré, et la yata'an fi hada, celui qui attaque ou qui combat la polygamie, c'est une personne où l'ayyadu billah, son cœur il est aveuglé par al-dhulumat al-kufr, par la mécréance. Limadha li'annahu c'est hukmullah. Donc ayyuhal muslim, fais attention. Fais attention à de ne pas attaquer, ne pas détester des choses que Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré. Celui qui ne sait pas, falyata'allam, mais s'il est conseillé, il accepte. Et celui qui sait, falyattaqillah. قال وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجال وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع. Donc 4 c'est le juste milieu. Au-dessus de 4 il ne pourra pas assumer. En bas de 4 ربما ça fait du mal à cet homme. Il a les moyens de se marier avec plus d'une femme, deux femmes, etc. Le juste milieu. Et ta'lamoun anna avant l'islam, al-Nasara et l'Arab, ils se mariaient Obama avec des dizaines de femmes. Et ils étaient injustes, kathir minhum. Léna, ils ne peuvent pas. Certains, ils avaient des endroits où ils avaient 30, 40, 50, 60 femmes, comme du bétail. Wal-Iyadu billah, l'islam, là. L'islam, c'est din ou l'adl ou l'haq. Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré 4. Et chacune, elle doit avoir son foyer. C'est ça, l'adl. Chacune, elle doit avoir son haq, son foyer. Si l'homme, il peut, alhamdulillah. Donc, c'est le digne du juste milieu. Vu qu'une, ça peut ne pas suffire, pour certains hommes, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a légiféré jusqu'à 4. Là, il joue ta'an. Celui qui ne veut pas appliquer pour certaines raisons, أنه ça lui suffit واحدة أنه il a pas les moyens. فالحمد لله. لكن fais attention à ne pas détester le hukm. Fais attention à ne pas détester. لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب. C'est pour ça que l'imam Shanqiti قال والعلم عند الله تعالى. Il a conclu avec هذا. Et celui qui veut des détails sur le jugement de celui qui critique la polygamie ou qui déteste la polygamie, نواقض الإسلام les annulatifs de l'islam, Cheikh l'islam il a cité celui qui déteste un jugement d'Allah Azza wa Jal ou une adoration, et certains savants ils ont cité comme exemple celui qui déteste la polygamie. هذا ما يتعلق بهذا المثال. On finit كلام Cheikh Saadi قال وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات فإباحة الطلاق كذلك خشية عيشة الإنسان مع من لا تلائمه ولا توافقه واضطراره للبقاء في ضنك الحال وشدة العسر وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. كذلك conclu أن الله سبحانه وتعالى il a légiféré le mariage. Et on a cité quelques bienfaits. La polygamie, et bien sûr, même si c'est pas la polygamie, un khayr adhim. Préserver cet homme, préserver cette femme, il s'entraide, et etc. Il s'écarte de l'fitan. Tout ça, parmi les bienfaits du mariage. Et, Cheikh Saadi, il a cité kadalik, les bienfaits de la polygamie. Alors, on les a détaillés, min kalam l'imam Shanqiti. Une autre hikmah, min hikam illahi azza wa jal, annahu shara'a at-talaq. Il a légiféré kadalik le divorce. Il y en a cet homme, il peut se marier avec une femme, et ça se passe très mal. Bien sûr, il ne faut pas se précipiter au divorce. Il y a toujours, dans beaucoup de cas, il y a des solutions. Lakin, yarhamukallah, dans certains cas, le fait de rester ensemble, ça fait que aggraver les problèmes. On avait expliqué hada dans une kalima sur les problèmes de couple. On avait détaillé hada, c'est pour ça qu'on ne détaillera pas. Ce qui nous intéresse, nahnu, anna min rahmat hada ad-din wa min al-adl, c'est que si ça se passe vraiment mal et cet homme et cette femme ils ont fait toutes les causes pour arranger les choses, lakin ça se passe toujours mal, Allah subhanahu wa ta'ala shara'a at-talaq. Et ça c'est une rahma. Léana, c'est très difficile de vivre avec une personne, tu t'entends plus avec elle, t'arrives plus, vous êtes pas fait pour être ensemble. Fa fi hada al-hal, Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré at-talaq. وقال عز وجل وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. Si ils se séparent, Allah subhanahu wa ta'ala il facilitera chacun d'eux un risque. Comme Minannas, ils étaient mariés, ils ont divorcé, ils se sont remariés et ça se passe très bien. C'est une rahma. Et chacun, l'homme et la femme, ils ont refait leur vie avec un autre, avec une autre, et ça se passe bien. Donc ça arrange tout le monde. Amma, réfléchis et médite si le talaq ça serait interdit. Ça serait une mashaqqa. Ça veut dire que tu te maries, c'est pour la vie. Khalas, là. Si ça se passe mal, il y a des raisons. Bien sûr, sans se précipiter, en revenant à Ahlul Ilm, les membres de la famille, ils essayent d'arranger. On conseille, on patiente. Si ça se passe toujours mal, et on s'aperçoit que le mieux, c'est la séparation, khas, certain, s'il n'y a pas d'enfants, s'il y a des enfants, la réflexion, elle doit être encore plus longue. Il faut penser au bien de la femme, au bien de l'homme et au bien des enfants. Lakin, dans certains cas, même s'il y a des enfants, la seule solution, c'est la séparation. Il n'est pas injuste, chacun y prend son haq. Et ce point, le huitième, Cheikh Saadi a cité le mariage et le divorce. Et notre dîn, il a légiféré le mariage et le divorce avec certaines conditions, avec beaucoup de choses qu'on a citées et qu'on n'a pas citées. Walhamdulillah. نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك